Lakini wakati alikuwa na uwezo roho yake ikalamuka njoo kumpotesha. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Akatenda zambi kumbele wa milele Mungu wake na kanja mwekalu juu ya kuchoma manukato. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Mukoani Azaria kamfata mwekalu na ba sacrificateurs bengine 80. Hommes courageux qui s'opposaient au roi Ozias. Batu baudari bale banza kumpinganisha mfalme Ozias. Tu n'as pas le droit Ozias d'offrir des parfums à l'Éternel. Na bakamwambia hauna na uwezo wa kutoa manukato kumbele wa milele. J'ai trois parfums sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Hii ni halali ya batoto ya Aaroni bale baweka juu kutolea sadaka. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Toka mwekalu na hii haitakuwa juu ya heshima mbele ya Mungu wako. La colère s'empara d'Ozias. Ozias makali kampanda. Qui tenait un encensoir à la main. Ulakwacha kumbeba mbambula kumkono yake. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Sabi la kwacha shikia bakowani mwekalu na bukoma bukatoka kumacho yake mbele ya bakowani. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même s'est hâta de sortir. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Mukwani mkuu Azaria na bakuwani balianza kumwangalia, bakaona kuwa na bukoma kwa macho yake, bakamoka nje, na yeye mwenyewe akatoka nje haraka. Le roi Ozias fit le feu jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Mfalme Ozia akakuwa na bukoma kufika ngulufu lwake na balimoka kunyumba nje ya batu bote. Et j'ajoute ces bénédictions à la lecture. Wana Mungu engeze baraka kusomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukala. Depuis hier nous avons commencé à parler sur l'influence. Tangia jana tulianza kusema yule wa uvuto. Nous avons insisté pour dire que nous influençons toujours quelqu'un. Tulianza kukaza njua kuambia batu wasema tunekalaka tukunavuta paka muntu. Et les saintes écritures disent que nous sommes la lumière du monde. Na mandiko takatifu unasema tuko nuru ya dunia. On n'allume pas la lumière pour la mettre en dessous de la table. Aba wakishake nuru njua kuyeka chini ya meza. On la met sur la, au-dessus de la table pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Lakini banekaka yulu ya meza njua kuangazia bale bote yako ndani ya chumba. Notre vie doit manifester Jésus-Christ. Maisha yetu inapasa kuonekanisha Yesu Kristu. Partout où nous vivons. Pasi yote tunaweza kuishi. Les gens doivent nous connaître et lire que nous sommes des chrétiens. Bantu banapasa kutukuyua na kusoma kusema tuko ba Kristu. Pas seulement par la confession. Hapana tu kwa kukiri kukinywa. Il faut que notre confession et notre vie puissent être la même chose. Inafai kusema kwetu na maisha yetu ikuwe kintu kimoya. Nous avons vu que ce jeune roi est monté au trône à l'âge de 16 ans. Tuliona sema ukiana alipanda pa kiti ya bufalme na miaka 16. Il avait reçu une bonne influence de sa famille. Alikuwa na kavumu nzuri ya jamaa yake. Et cela avait beaucoup influencé le prophète Esaïe. Na ile ilivuta sana nabii Esaïe. Et ce jeune roi avait été élevé pour servir Dieu et honorer Dieu dans sa vie. Na ukiana alinyanyuliwa njoo kumtumikia Mungu na njoo kuonekanisha Mungu maisha yake. Il avait donné un bel exemple à Esaïe parce que dans tout ce qu'il faisait, il s'appliquait à chercher la volonté de Dieu. Aleta mfano mzuri kwa Isaïe parce que mbile bote anaanza kufanya, anaanza kutafuta paka wa milele na kuheshimia wa milele. C'est aussi un bel exemple pour nous. Ni mfano mzuri kwetu. Dans tout ce que nous faisons, yote tunaweza kufanya, Nous devons vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Tunapasa kuangalishisha eti binambatana na sauti ya Mungu. Parce que notre foi est basée sur les saintes écritures. Imani yetu inye kutia nanga yulu ya maandiko takatifu. Sur la Bible. Yulu ya Biblia. C'est ainsi que nous pouvons prospérer dans la foi. Jo hivi tunaweza kuendelea muimani. C'est ainsi que nous pouvons être bénis par Dieu. Jo hivi Mungu anaweza kutubariki. Lorsque dans toutes choses que nous faisons, wakati mukila kintu tunafanya, dans tous les actes que nous posons, mutendo yote tunaweza kutenda, nous devons vérifier, tunapasa kuangalia, est-ce que c'est la parole de Dieu? Eti ni sauti ya Mungu. Amen. Amen. Et comme il s'était appliqué à chercher Dieu, Zabile, ajitolea kumtafuta Mungu mukifalme kyake. Le roi Ozias, Dieu l'a fait prospérer. Mufano Ozias, Mungu armufa maendeleo. Parce qu'il était fidèle à la parole de Dieu. Alikuwa mwaminifu kuneno la Mungu. C'est pourquoi aussi dans nos foyers. Jo kwa maana hata sisi na shima jamaa yetu. Nous devons apprendre aux enfants la voix de Dieu. Tunapasa kufundisha watoto yetu njia ya Mungu. Nous devons leur donner l'influence de la parole de Dieu. Tunapasa kuwapatia uvuto ya sauti ya Mungu. Même quand ils deviennent grands, ils vont s'en souvenir. Hata wakati watakomala wataanza kukumbuka neno la Mungu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 22. Biblia inasema Proverbe 22. Verset 6. Mizali makumi mbili na mbili mstari. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mfundishe mtoto kufuatana na njia anapaswa kufanya kufuata. Quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Wakati atakomala haitageuka kama njia. Nous devons influencer nos enfants par la parole de Dieu. Tunapaswa kuvuta watoto wetu kupitia neno la Mungu. Mais il faut que nous-mêmes nous soyons influencés par la parole. Lakini si benye kwanza kwanza tunapaswa benye kuvutwa na neno la Mungu. Et enseigner à nos enfants la voie de Dieu. Na kufundisha watoto wetu njia ya Mungu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses vulgaires qui sont dans le monde. Kuko bintu ya bibaya sana binazunguluka mdunia. Qui influence aussi les enfants. Biko na vuta na bio batoto. Et empoisonne leur esprit. Na iko na empoisonner maro yabo. C'est pourquoi nous devons instruire les enfants selon la voie de Dieu. Je crois maintenant qu'on n'a pas ça confronté à toto yetu kufatana na njia ya Mungu. Pour qu'ils se détournent de toutes ces choses vulgaires. Je bende mbali na vitu vyote vya ovyo. Aujourd'hui Satan a reçu son coup. Leo Shetani anaita kuweza mambo yake. Il a mis beaucoup de choses mauvaises dans le téléphone. Areka vitu vya mingi vibaya ma téléphone. Au niveau de la télévision, kuma télévision, de l'internet, mbele kuma internet, dans les réseaux sociaux, ma réseaux sociaux, ces choses aussi ont l'influence. Ibi bintu biko na bio na uvuto. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, kwa maana sisi ba nous devons avoir le discernement. Kuna pasi kwa na kutambua kwa bintu. Qu'est-ce que nous regardons là-dedans? Na kuangalia ni bintu kani tu kuangalia mubile bintu. Le téléphone en soi n'est ma pas téléphone aina zambi, téléphone aina zambi. Mais il y a aujourd'hui des gens qui trompent avec les téléphones. Lakini kukubantu yuko na landa na téléphone. Il n'est pas chez lui à la maison. Ana kunyumba. Où est-ce que vous êtes? Uko wapi bana muuliza kwa téléphone? Niko kunyumba. Mon mari lui dit où est-ce que vous êtes? Wanake anamuita bijangu uko wapi? Je suis à la maison. Nasema niko kunyumba. Wakati ile bwana eko kunyumba simupate. En ce moment-là le téléphone devient malin. Pale téléphone inakuwa ni laana kwako. Amen. Amen. Ces choses empoisonnent les esprits des gens. Ibintu bikuna uwa maro ya batu. Vous trouverez des films porno là-dedans. Utakuta ma filme ya batu wachikomangua bitu bya mingi. Et ça c'est l'œuvre de Satan. Na ile ni kazi ya Shetani. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Joko mana tunapaswa na kutambua kwa bitu. Lorsque nous utilisons ces wakati tunatumia ile bitu. Combien de temps nous passons ni wakati ngapi tunapitishaka à regarder dans les réseaux sociaux. Mukuangalia ma réseaux sociaux. Et combien de temps nous passons mwakati dans la prière? Ngapi tunapitishaka mu maombi. Vous voyez que c'est une grande illusion. Nona ya kusema ni kulengama kunene. Et là il y a beaucoup aussi des mensonges. Pale par réseaux sociaux panakuwa bitu vya bongo vya mingi. Et lorsque vous prenez le même mensonge. Wakati unaweva ile bongo sans vérifier. Bila kuangalia. Unaenda wewe unatumia watu wengine. Vous devenez semaine de Satan. Na wewe unakuwa tu ni mtu wa Shetani. Que ce soit à l'internet. Il faut quoi internet. Nous devons avoir le discernement. Pas quoi, na, et regarder que les choses qui peuvent nous édifier. Amen. Amen. C'est pourquoi. Je crois mana. Nous devons aussi influencer nos enfants, les instruire, les voies de Dieu. Manjia ya Mungu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 3. Mezali 3. Verset 1. Mustareki ya kwanza. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mutoto yangu ushisabwe kamwe mafundisho yangu. Que ton cœur garde mes préceptes. Roho yako ipate kuchunga maagizo yangu. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Kwani itakuongezea mashiku na miaka ya maisha yako. Et ils garderont ta paix. Na itakuongezea salama. Amen. Amen. C'est surtout adressé aux jeunes gens. Ile banambia zaidi kubabiana. Si vous voulez que vos jours soient prolongés sur la terre, mashiku yenu kwa mrefu pa dunia, et les années de ta vie, na miaka iko ya mingi, n'oublie pas les enseignements de la parole de mafundisho Dieu. Ya neno la Mungu. Amen. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Wema na waminifu usipate kuachiria. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Uifunge mshingo yako na uyandike pa meza ya roho yako. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine. Ivi utapokea neema na zamiri safi. Aux yeux de l'Éternel. Kumbele wa milele. Aux yeux de Dieu et de Dieu. Kumbele ya Mungu na kumbele ya batu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tumainie wa milele na roho yako yote. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Na ushitumainie tu yule ya hekima yako. Reconnais-le dans toutes tes voies. Umutambua milele manjia yako yote. Il aplanira tes sentiers. Na atanyolosha manjia yako. Ça c'est s'adresser surtout aux jeunes gens. Vous devez vous confier plus en Dieu. Et le rechercher dans toutes vos voies. C'est ainsi qu'il aplanira vos sentiers. C'est ainsi que vous réussirez. Amen. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 12. Mubiri ma kumimbiri. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Kiana, upate kufurahiwa mbuyana wako. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Utoe roho yako katika furaha wakati ya marche dans le voie de ton cœur. Tembea kufatana na njia ya roho yako. Et selon le regard de tes voies. Na kufatana na kuangalia manjia yako. Mais sache que pour tout cela. Lakini ujue asema njua kila kitu. Dieu t'appellera. Mungu atakuita kuhukumu. Alléluia. Amen. Bannis ton cœur de chagrin. Tosha uzuni mugo yako. Éloigne le mal de ton corps. Wende sembari buchafu kumuli yako. Amen. Surtout les jeunes garçons, les jeunes. Zaidi kubabiana wanaume. Éloigne le mal de vos corps. Wende sembari bubaya kumili yenu. Car la jeunesse et l'oro sont vanité. Kwani buyana na mapambazuko ni ubadili. Alléluia. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Lakini ukumbuke mumbaji wako mashiku wa buyana wako. Avant que les jours mauvais arrivent. Mbele ya siku mubaya ipate kufika. Et que les années mauvais arrivent. Na miaka mubaya ipate kufika. Et que les années s'approchent. Alléluia. Amen. Mais on voit même des frères. Aujourd'hui, ils se précipitent dans la politique. Leur influence est détruite. Pourquoi? Restez là où Dieu vous a placé. Bakia pale Mungu alikuweka. Être chrétien. Kuya mkristo. Être fils. Kuya mwana. Et fille de Dieu. Na mbinti wa Mungu. Il n'y a pas une meilleure position que celle-là. Akuya kuyaka fashi mzuri za kuya mtoto wa Mungu. Mungu alituweka comme de ses enfants. Saba toto yake. Influencer le monde. Ya kufuta dunia. Mais pas être influencé par le monde. Apana dunia ikuvute wewe mtoto wa Mungu. Ni sie batoto wa Mungu ndio tunapata kuvuta dunia. Sa Mukristo. Mais aujourd'hui, leo, vous voyez des frères. Tunaona sabanduku badada. Bananza kutoka fasi yabo mtoto wa Mungu. Na bananza kuya bafanya siasa. Na uvuto yabo inaradika. Bananza kwa bakulanda sabongo. Alleluia. Amen. Ils deviennent des escrocs. Bananza kuwa bakuibia. Alléluia. Amen. Maintenant, sasa, nous découvrons que quoi qu'on soit un homme de bien, tunavumbula kusema hata vile unaweza kuwa mtu mzuri sana. Béni de Dieu. Unaweza kubarikiwa na Mungu. Si toutefois Dieu vous bénit. Kama tu Mungu anakubariki. Restez dans la catégorie où Dieu vous a appelé. Bakia paka mufashi ile Mungu alikuitia. Il y a même des frères. Kukubanduku. Dieu t'a béni à Kambo. Mungu alikubariki ni Mukambo. Il déménage. Lakini anam. Il va à Lubumbashi. Anenda kulubumbashi wala kitasa. Il arrive là-bas. Na nafika kule. Il reçoit une autre influence. Anapokea uvuto. Quand vous le voyez. Wakati unamwona. Vous ne reconnaissez plus. Hautamuyua tena. Restez là où Dieu t'a béni. Bakia pale Mungu alikubarikia. Alléluia. Amen. Il va peut-être à Lubumbashi. Anaenda Lubumbashi sa zingine. Il rentre dans le groupe des hommes d'affaires. Anafika ningia mkunji ya bantu kufanya biashara. Bala anaanza kwenda sa marestaurant ya kulia. Asi kwanze kunya mkambo. Mekesho unamkuta Lubumbashi eko na kunya mpombe. Pourquoi? Jua nini? Il n'a pas voulu rester là où Dieu l'a placé. Asikupende kubakia pale Mungu alimweka. Amen. Amen. Restez dans la catégorie où Dieu vous a placé. Bakia mufashi ile Mungu alikuitia. S'il s'agit d'une ménagère. Kama ni mudada yuko nafanya kazi munyumba. Restez une ménagère. Bakia kufanya kazi kunyumba. S'il est dans une affaire. Kama ni mubiashara. Restez dans cette affaire. Bakia mule kazi kunafanya. Reflectant Dieu. Mwenye konekanisha Mungu. Kama ni msoko. Si Dieu t'a appelé au marché. Ufanye biashara mbona unaonesha kioko mu Kristo. Vendre et manifestant la chrétienté. Mais si tu as de fausses balances. Et kama una pikipi mbaya. Una totola kaka kopo ya kalanga. Tu as unekavimbisha. Tu as cloué d'abord. Et tu as en train de faire des histoires. Et un peu de cacahuètes. Mais toi tu es chrétien. Lakini wako mkristo. Alléluia. Amen. Même au marché. Ata muso. Tu dois refléter Christ. On n'a pas sa connaissance. Il faut pas jouer comme on appelle dans Kuta Kalanga ya bien. Si tu veux payer. Yende mukristo. Bon, chose voir c'est telle maman, elle c'est une chrétienne. Dites amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Si tu fais les affaires. Kama unafanya biashara wala kuzisha. Reflecter Christ dans vos affaires. Unapata kuonekanisha Christ mubile huku na ujisha. Lakini unawakua wa kuibia. Tu triches. Unaanza kuibia musoko. Pas seulement musoko. Pas seulement marché. Même atambia kujisha. Tu trafiques. Unaenda kufanya matrafiki kuza vitu. Mwakati unarudia. Tu triches. Unaibia. Même des frères. Ata banduku. Tu lui confies une affaire. Unampatia kazi mwafanye. Il commence à voler. Ananza kuiba. À détourner. Kwanza kuibia vitu. Mais vous détruisez votre influence. Uko na labisha kabungu yako. Barikuweka pale. Ni juu bari kutumainia. Ya kusema uko mtoto wa Mungu. Et que toi tu na weye utetembea na kuachana na dunia. C'est ça être chrétien. Job Kristo. Amen. Amen. Nous marchons en contre-courant. Tukunatembea mwenye kuachana na dunia. Nous avons lu hier. Bijo ile tukisoma jana. Ne vous conformez pas au siècle présent. Usijilinganishe na miaka ya sasa. Si le monde va à droite, kama dunia inaenda kushoto, sisi tunapaswa kwenda kuume. Ce n'est pas facile. Hein? Haina kitu kia bepesi. La Bible dit. Il y a sema. Le royaume des cieux. Ufalme wa mbingu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ni bantu ya nguvu ndio bekonenda. Dieu, Mungu. Et quelle que soit la chose à laquelle Dieu vous a appelé, aizuru kintu kenye Mungu alimitia, laissez cela tel quel. Acha ile kintu paka vile. En effet, il veut que vous soyez une véritable ménagère. Et qu'on appenda ukwe mwana pour refléter votre influence sur notre personne. Il y a kavumu kavundo yenu kwa mtu mwingine. Être une bonne ménagère. Mtu alipenda akuye mfanye kazi kumba mzuri ku kazi nduku yangu. Restez loyal à la parole. Bakia paka mwaminifu ku neno la Mungu. Si les gens crient kama bantu kunaibia mkazi. Na wewe unaingia kwenye groupe. Quand tu entres dans ce groupe là, tu détruis ton influence. Unalabisha uvuto yako. Ton témoignage tombe. Ushuda yako inanguka. Si vous êtes un bon homme d'affaires, kama unafanyaka makazi ya kujisha mwanaume, laissez votre vie être telle qu'elle reflétera Acha maisha dans yako votre affaire. Ipate kuonekanisha Yesu Kristo mu biashara yako. Avec honnêteté. Na uwaki. Intégrité. Mwenye kunyoloka. Avec des choses qui ont réellement de l'importance. Na bintu benye kwa bema fa. Quand quelqu'un observe votre vie, kwani kuko muntu moya eko nangaria pa maisha yenu. Vous êtes en train d'influencer quelqu'un. Kuko na vuto a muntu moya hivi. Dieu doit avoir une vraie ménagère. Anapasha kuwa na mwanamke mzuri wa kufanya kazi. Dieu doit avoir un vrai adolescent à l'école. Anapasha kuwa na kiana kimzuri kwa masomo. Amen. Amen. Si tu mérites zéro, kama unapasha kupata zéro kwa masomo. Accepte zéro, pourquoi tu ikika kupata zéro, njua nini kuna ibia. Aujourd'hui, Léo, des jeunes filles Babiana, perdent leur virginité. Dès qu'on a poté sa taille bikini à l'université, juste à ma pointe. Vous ne reflétez pas Christ. Ah, on est chez Christ, maïcha yako. Votre influence tombe. Tu auras peut-être un diplôme. On est coupé ta diplôme. Mais ta conscience est là. Mais la les amis, y a quoi t'as pas de diplôme? Ces diplômes ici, c'est à cause de la prostitution que j'ai eu. Amen. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est ça être chrétien. Dieu vit les quoi mon Christ. Alléluia. Amen. Dire la vérité. C'est ma ukweli. Dieu doit avoir un vrai ministre. Mungu anapaswa kuwa na mhubiri wa biakwevu. Un vrai homme d'affaires. Mtu wa kufanya biashara mzuri. Quelqu'un qui le reflétera. Mtu ule ataonekanisha Mungu. Car là, wanipali. Les gens voient Christ en vous. Bantu bekonona Christ. Peu importe que le reste du monde doit faire. Aizuru vile bantu ba mudunia wanaweza kufanya. Quelque chose que le monde va faire. Atabi tubiote ndio anafanya lakini shie. Nous devons refléter Jésus. Na basta kuonekanisha Yesu Kristo. Ça n'a rien à voir avec vous. Si le monde triche, il trompe, banalanda, il vole, banaiba, il font n'importe quoi, banafanya il escroque, banezi banaibia benjavo. Ça n'a rien à voir avec vous. Weye. Ni avec moi. Voilà, mie. Nous sommes responsables de nos vies. Tuko na bujito ya devant Dieu mbele ya Mungu. Et de notre expérience avec Christ. Na maonjo yetu na Christu. Amen. Amen. L'église, vous avez compris. Et si kanisa mnaelewa? Vous devez rester là, Dieu vous a mis. Unapasha kubakia pale Mungu aliniweka. Alléluia. Amen. Au point 60. Nukta yake makumi sita. En effet. Mkwangaria. Les hommes ne comprennent pas que leur position vient de la parole. Bantu abele wake akusema mshimamio yabo natokea ni kuneno la Mungu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Ozias aurait dû tenir compte de cela. Ozias alipasa kuangalia kuile. Mais maintenant souvenez-vous. Sasa hapa sasa mkumbuke leo. Nous l'appellerons un chrétien que Dieu a béni. Tutambuita sema mukristu ule Mungu alibarikaka. C'est l'exemple d'un chrétien qui a été béni. Mfano ya ile mukristu ule Mungu alibariki. Il n'était pas un simple homme ordinaire. Hachiko tu muntu wa bulebule. Il était un homme que Dieu avait béni. Alikuwa ule Mungu alibariki. Mais il ne voulait pas supporter la correction. Lakini hachipende abashifumilia kumunyolosha. Alléluia. Amen. Dieu l'a béni comme roi. Mungu alimbariki sa mfalme. Mais quand il arrive dans le temple. Lakini wakati alifika mwakani. On lui dit ne faites pas ça. Alimwambia sema hapana kufanya hivi. La parole de Dieu ne te permet pas. Neno la Mungu haikuruhusu ufanye hivi. C'est le travail des Lévites. Ni kazi ya Balawi. Les descendants d'Aaron. Na batoto ya Aaron. Dieu a établi pour. Bale Mungu aliweka ndio kufanya ile kazi. Pour faire ce travail là, brûler les parfums. Kuchoma manukato. Il n'a pas supporté. Lakini ye mfalme ashikufumilie. La correction de la parole de Dieu. Kunyolosha kwa sauti ya Mungu. Lorsque on nous corrige par la parole. Wakati kunyolosha kupitia sauti ya Mungu. Nous devons nous aligner sur la parole de Dieu. Sauti ya Mungu. Mais il n'a pas supporté. Lakini mfalme hakuvumilia. Peu importe combien la parole disait. Kile sauti ya Mungu ilianza kusema. Il était ainsi. Ye alikuwa vile. Il ne voulait pas comprendre cela. Ile. Parce qu'il se sentait en sécurité. Au point qu'il a pensé que Dieu le laissait alianza kuwazia sema Mungu atamwachilia afanye. Amen. Amen. On l'a corrigé. Bali munyolosha. On l'a laissé. Oh mfalme acha. Il s'est énervé. Lakini alishirika. L'orgueil. Kiburi. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu nous corrige. Wakati sauti ya Mungu letunyolosha. Même quand nous venons écouter la parole. Hata wakati tunaposikia sauti ya Mungu. Et que la parole nous corrige. Na neno la Mungu letunyolosha. Nous devons nous aligner en tout temps. Sur la parole de Dieu. Kutoka tunapaswa kuzungumza sauti ya Mungu na kumwambia Mungu akusema. J'ai fait ça dans le temps. Mungu mimi nilifanya hivi. Mais j'ai écouté ta correction. Lakini nasikia kunyolosha kwako. Mimi narudia na kunyolosha kwa sauti yako. C'est ainsi que les chrétiens marchent. Dieu vile va tout Christu va la tembeaka. Lorsqu'on nous corrige. Wakati manetunyolosha. Ma sœur. Dada. Lorsqu'on te corrige. Wakati manakunyolosha. Le frère. Nduku. Vous avez des problèmes avec votre femme. Muna mamambo na bibi yako. Lorsque le pasteur ou le diacre. Wakati pastori wala semaji. Vous présentez la parole. Anakonesha sauti ya Mungu. Attends la shirika. Même si tu t'énerves. Aligne-toi sur la parole. Ujinyoloshe, ujipange kuneno la Mungu. Dis pasteur. Dis pasteur. Comme c'est la parole ça est venu dans la Mungu, que mon épouse rentre à la maison. Bibi yangu arudie kunyumba. Voilà un chrétien. Njoo mu Kristu. Pasteur. Pastori. Parce que c'est la parole. Ça est venu dans la Mungu. Même si mon mari m'a tabassé. Hata kama bwanangu alinipika. Mimi narudia. Pour honorer Dieu. Juu ya kuheshimisha. Et lorsque vous honorez Dieu. Na wakati unamheshimia Mungu. Dieu prendra position pour toi. Atakushimamia na yeye. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu t'énerves. Wakati unashirika. Pasteur. Ah, pasteur. Même si c'est la parole. Hata vile ni sauti ya Mungu. Même si c'est la parole. Hata ni sauti ya Mungu. Je ne l'entrerai pas. Mimi sitarudia. Uko tu wa kiburi. Uko wa kiburi mwanamke. Dieu. Mungu. Ton influence est détruite. Kavumu yako inaharibika. Mungu atarabisha kavumu yako. Je ne te laisserai pas. Mungu atakuachilia ufanye vile. Utaripaka jua ile. Alléluia. Amen. Nous sommes croyants. Tukuba Kristu. Nous aimons le Seigneur. Tunapenda Bwana. Nous aimons sa parole. Tunapenda sauti yake. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Nous sommes en train d'aller au ciel. Ata tune na kumbingu. Mais nous allons comment nous devons nous préparer? Namna kani tunaweza kujitayarisha. Il faut que tout ce qui est contraire à la parole. Bila dote imekuwa kipindupindu na neno la Mungu. Tupate kuanguka maisha yetu. Que nous soyons des enfants vaincus. Tupate kuwa watoto batiifu. Pate imani. Imani iko natembea na butiifu. Quand vous dites vous avez wakati unasema kuna imani. Vous devez obéir à ce que tu as dit. Vile Mungu anasema. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez. Mnaona. Regardez ça, ça s'adresse aux enfants. Ngarie hii anaambia watoto. Comment un enfant peut-il affronter un père et une mère qui sont pieux? Namna kani kiana naweza kumbanisha baba wala mama ule mwenye kwa mtawa. Comment un adolescent peut-il regarder en face une vieille mère anezi kuangalia musula mamabo mtakatifu et pieds aux cheveux grisonnants na mwenye kutawala mwenye kwa mtawa na nywele nyekwa et que celle-ci dise à cet adolescent na huyu anamwambia huyu kiana chérie Ah, maman t'a élevé différemment. Maman a et regardez rien dans votre vie. Ce qui a été fait par maman pour maman. Il est urifanya njia maman. Ne faites pas cela. Ushifanya ne devenez pas arrogant pour dire. Wa kiburi njia kusema. Prenez votre religion. Ah, bébé cet adolescent. Comme conséquence. Que va-t-il lui arriver? Ça n'est fini de lui. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi des enfants dans la foi. Ils sont perdus spirituellement. Des enfants. Batoto. Moralement. Plusieurs fois physiquement. Mentalement. Ils sont complètement retranchés de la grâce. Batosha kunema kabisa kabisa. Et bien alors, na ce serait une chose horrible pour un adolescent. Ou l'adolescence. Wala kiana mwanamuke. Alléluia. Amen. Au point 64. Nous avons besoin des chrétiens influencés par la parole de Dieu. Des hommes et des femmes appelés pour exercer une influence sur l'église et lui le dernier jour. C'est ce dont nous avons besoin. Oh Dieu, donne-les-nous. Ils seront là. Il y en aura. Alléluia. Amen. Mais Ozias était arrogant. Lakini Ozias alikuwa kiburi. Au lieu de s'humilier. Bali pa kujishusha. Devant la parole de Dieu. Mbele ya Mungu. D'accepter la correction. Ya kuchika kunyoloka. Il a dit moi je suis roi. Asema ah mimi mfalme. Vous allez dire quoi? Mutenyambia nini mwenye? Mwe bakoani. Dieu m'a béni. Mungu atakunibariki. Avec son ascenseur. Na mbabura yake. Oh. Dieu l'a frappé. Mungu alimupika. L'orgueil. Kiburi. Précède la chute. Qui unatangulia kuanguka. Ne soyez pas orgueilleux, frère. Msikuye ba kiburi kamwe. Devant la parole de Dieu. Mbele ya sauti ya Mungu. Devant la parole de Dieu. Mbele ya sauti ya Mungu. Nous devons nous humilier. Tunapasa kujishusha. Qui que vous soyez. Ukuye nani. Prédicateur ou pas. Mpiri wala bana. Ou laïc, voilà, nous tous, nous sommes en dessous de la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la correction, même si c'est un frère qui vient me corriger, parce que je suis prédicateur, il me montre dans la Bible, je dois reculer. Alléluia. Amen. Je dois reculer. N'a pas sa courage au Congo. Frère, tu as raison. Nous couvrons la chérie. Priez pour moi. Unyombe eko. Et si tu fais ça, na kama unafanya vile, Dieu t'honorera. Mungu atakuheshimisha. Dieu te soutiendra. Mungu atakushikamanisha. Tous ceux qui ont pris position pour la parole, Dieu les a soutenus dans leur vie. Mungu alibasaidia maisha yabo. Amen. Amen. L'orgueil, kiburi, c'est une mauvaise chose. Ni kitu kibaya sana. Ne pas te plier à la parole de Dieu. Katala kujusha, kujishusha kwa sababu ya Mungu. Ologei. Qu'est-ce que vous avez? Ah, mkuna nini? Que Dieu ne vous a pas donné. Kile Mungu ashikupatie. Tout ce que nous avons. Kile kyote tukunacho. Nous avons reçu par grâce. Tuipata kwa neema. C'est seulement la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Mungu. On n'a pas ta orgueil. Hatuna nayo pa kiburi. Nous devons rester humbles. On n'a pas ta kubakia baba. Nous devons être petits. On n'a pas ta kubakia batoto. À nos yeux. Kumbele yetu. Alléluia. Amen. Proverbe 18. Mesali. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mbele ya waribifu, roho ya mtu inajinyanyulaka. L'humilité précède la gloire. Unyenyekevu unatanguliaka utukufu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 16. Mesali makumi mbili na sita. L'arrogance précède la ruine. Kiburi kikunatanguria kwa labika. Et l'orgueil précède la chute. Na kiburi kikunatanguria kwa nguka. L'arrogance. Kiburi majivuno. Précède la ruine. Inatanguria ni kwa labika. Waribifu. Waribifu. Et l'orgueil précède la chute. Na kiburi inatanguria kwa nguka. Quand quelqu'un devient orgueilleux. Wakati mtu akoa kiburi. Observez-le. Mwangarie. Il est en train d'aller à la chute. Et qu'on est dans le mkwanguka. Mieux vaut être humble avec les humbles. iko mzuri kuwa mnyenyekevu na banyenyekevu. Que de partager le butin avec les orgueilleux. Na kukala fasi mwana bakiburi. Il était orgueilleux. Aliko wa kiburi. À cause de cela, Joaile, Dieu lui a frappé de la lèpre. Mungu alimupika bukoma. Il est mort lépreux. Imaginez-vous. Un roi qui a été béni. Plusieurs années par Dieu. Il a régné 52 ans. Pourquoi est-ce qu'on est bien ravi? À la fin, il a tout faré. Dieu lui a giflé, Dieu a tapé. Qui que nous soyons. Ukwe nani. Ayons le sentiment qui était en Jésus. Tukuye na mania ile kwa ndani ya Yesu Kristu. Philippiens chapitre 2. Wa Filipo. Rapide. Nous devons être humbles. Tunapashi kwa banyenyekevu. Philippiens. Wa Filipo. Commençons au verset 1. Si donc il y a quelques consolations en Christ. Kama kuku mafaraja ndani ya Kristu. S'il y a quelques soulagements dans la charité. Kama mushiriki muko kusaidiana. S'il y a quelques soulagements dans la charité. Kama muko faraja ndani ya mapendo. Il y a quelques unions d'esprit. Muko mungano yaro. S'il y a quelques compassions ou quelques miséricordes. Kama kukurema kidoko na kushiriki kidoko. Rendez ma joie parfaite. Mufanye fura yangu kwe kamilifu. Et un même sentiment. Benyekwa na mania moya. Et même amour. Mapendo moya. Et même âme. Nafsi moya. Et même pensée. Na mawazo moya. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Mushifanye kitota kimwa kwa uchakuzi wala kwa utukufu ya bule. Mais quelle humilité. Lakini unyenyekevu. Vous fassez regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Imifanye mwangalie batu bengine wakwesa yulu yenu. L'humilité. Unyenyekevu. Doit nous faire voir que mon frère est dépassé. Kusema nduku yangu ananipita ako. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur. Mubiri, que je suis quelque chose. Juni koko kitu fulani hapana. Je suis aussi un pécheur sauvé par grâce. Niko mtenda zambi mwenye kokolewa kupitia neema. Lakini neema ya Mungu ilifanya mie. Nikuye kwa mhubiri. Sibote tuku batoto ya Mungu. Et nous devons respecter les na tunapasa kuheshimia batoto ya Mungu. Frère, nduku yangu. Ce peuple que vous voyez. Hii taifa kunaona. Ça coûte cher à Jésus. Ili kwa bei sana mbele ya Yesu. Juu kanisa ipate kuonekana. Ifadhali Yesu Kristo. Apate kupikiwa. Apate kumtoshi kukunya ndevu. Bamteso kumsalaba. Na bamtuue kumsalaba pakoma mua. Duwe na mie. Tupate kuonekana hivi. Sa batoto wanaume na banamuke wa Mungu. Ndio kwa maana tunapata kuheshimia, tunapata kuheshimiana. Haleluya. Amen. Pourquoi être orgueilleux ma soeur? Sio nini tukua kiburi dadangu. Parce que tu as des beaux, de beaucoup de amis. Njoo na mangu ami. Et ta soeur n'en a pas. Na dada yako ana nayo. Et tu dois la mépriser. Na unapata kumdharau. Hapana. Ce que tu as. Kile wewe kunacho. Ulipata tu ni kwa neema. Qu'est-ce que tu as fait toi? Wewe ulifanya nini ndio kwa nayo? Que tu sois ainsi. Njoo kwa vile. Qu'est-ce que tu as fait mon frère? Ufanya nini ndugu wangu? Pour que tu sois élevé au travail. Tu kukazi upande cheu. Qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? Tu n'as rien fait. Haukupata kitu kimoya. Ni kupita tu neema ya Mungu. Ni Mungu ndio alikuweka pale. Yote unatokana kwa Mungu. Ndio kwa maana Biblia inasema. Humilité. Unyenyekevu. Nous fasse voir les autres. Ipate kutuonekana kwa qui me dépasse. Ya kusema benjetu anatupita hako. Alléluia. Même nous les prédicateurs. Lorsque j'ai ma sœur. Quand je regarde l'autre prêcher. Je dis, celui-ci. Non, moi je ne sais pas prêcher. Parce que les dons. C'est Dieu. Et les dons sont différents. Alléluia. Mais Dieu a établi chacun. C'est notre miséricorde. Et c'est notre bon vouloir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun de vous, la monja wetu, c'est quatre, au lieu de considérer ses propres intérêts. pale pa kuangalia mafaida yako mwenyewe, qui considère aussi ceux des autres, uangalie kuna mafaida mengine. Alléluia, amen. Vous voyez frère, unaona nduku, si Dieu a dit, kama Mungu alisema, si portez-vous les uns les autres, uvumiliane bengine kwa bengine. S'il y a quelque chose à se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. C'est parce que Dieu sait que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous devons supporter tous les frères, les sœurs. Si tu as offensé, pardonnez. Supportez-nous. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas tout atteint la perfection. Atu afika kukamilifu. Parce que nous sommes faillibles. Tukubantu bakotefu. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Mpaka Mungu ndio akosake. Alléluia. Amen. Ayez en vous. Mukwe ndani yenu. C'est un commandement. Ni amri. Ayez en vous. Mukuye ndani yenu. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mania ile kwa na Jésus-Christ. Lequel existe en forme de Dieu. Il est il couille mon nom na Mungu. Avec quoi Mungu? Il était Dieu. Il était Dieu. Avec quoi Mungu? Lequel existe en forme de Dieu. Et à quoi Mungu? N'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. A chukui esam kitu kama arutukune njoka kwa Mungu. Il est lakini comme tous les Israéliens. Alikuwa sawa toto Israël bote. Même pour pouvoir le trahir. Hata pale baanza kumtoa. Il a fallu que Judas, son ami, rafiki yake, aille le baiser. Ende akamtoa. Parce qu'on pouvait pas distinguer. Abakuwezi kuachanisha. Yesu na bamitume bengine akukua chanisho. Il était pas là-bas pour dire. Je vois le révérend. Je vois le grand prédicateur. Je suis descendu du ciel. Milishuka kutoka mbinguni. Niko Abana. Alléluia. Amen. Lequel existe en forme de Dieu. Et à quoi ça n'a pas regardé comme une proie arrachée de l'égal à la vie. Mais c'est dépouillé lui-même. A dit là. C'est dépouillé. Alléluia. Amen. C'est dépouillé lui-même. A dit vous là, Emmanuel. En prenant une forme de serviteur. Voilà ce que nous devons être. Prenons la position des serviteurs. Alléluia. Amen. Des esclaves. Batoumoua. Un serviteur, c'est un esclave. Batoumishi, moutoumoua. Alléluia. Amen. En devenant semblable aux hommes. Ayant pari comme un simple homme. Alléluia. Amen. Jésus était comme un simple homme. Mais il était Dieu. Lakini alikuwa Mungu. Toute la plénitude de Dieu. Habitait yote ya Mungu. En lui. Et même quand il partait. Les gens l'appelaient. Jésus. Il s'arrêtait. Allez, on va coucher ma patte. Je suis Jéhovah. Niko Yova. Je suis Dieu. Niko Mungu. Pourquoi tu m'appelles Jésus? Nam na kanteni ta pandira de Yesu. Apana. C'est pourquoi la Bible dit. Niko mana Biblia asema. N'appelez personne père. Mushicha ta mutu mwa baba. Vous êtes tous des frères. Ibote tukubanduku. À ce qui concerne la parole de Dieu. Kwa ngaria sauti ya Mungu. Un seul est notre Père. Nous, tout moi, ni baba yesu, Dieu. Ni Mungu. Nous sommes tous des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qui s'est dépouillé. Alijivula. Est devenu comme un semblable. Hein? Kugua, mwenye kufanana. Na bantu bengi na bantu. Il est apparu comme un simple. Alionekanika sa muntu abule. Il s'est humilié lui-même. Alijinyenyekeza yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Se rendant obéissant. Akwa mutifu. Jusqu'à la mort. Fika na kulufu. Même jusqu'à la mort de la croix. Fika kulufu la kupopa kwa msalaba. Voilà le sentiment que nous devons. Dio mania ile tunapashi kwa nayo. Alléluia. Nous humilier. Et être obéissant. Na kwa batifu. Alléluia. Amen. À cause de son obéissant. Et kwa de son humilité. Na kunyenyekeza. La Bible dit. Kwa ke, Biblia sema, c'est pourquoi. Kwa mana, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alimunyanyula kabisa. Et lui a donné na, le nom qui est au-dessus de tout nom. Njina yenye kwa yule majina yote. Afin qu'au nom de Jésus-Christ. Kujude kupitia jina Yesu Kristo. Tout genou fléchisse dans le ciel sur la terre. Yote ipate kupika et sur la terre. Mumbingu pa dunia na chini ya dunia na ulimi yote ipate kukiri kusema Yesu Yesu Kristo ni Bwana na utukufu ya Baba Mungu. Mungu anibariki.